Chapitre 5 Histoire de l'hôte. Il y avait une fois, comme disent les contes d'enfants, un marchand qui revint des contrées lointaines dans son pays natal, où il rapportait dans un petit coffret des diamants qui auraient suffi pour la rançon d'un roi. Ce marchand avait vieilli dans son commerce. Tous les instincts généreux avaient disparu de son cœur refroidi, et les cendres du feu de la jeunesse couvraient ce cœur qui ne connaissait plus ni joie ni pitié. En revanche, il était toujours habile et dur en affaires, ne calculant que le temps pour cent. Pour enfler ses bénéfices ou sauver un denier, il eût vu d'un œil sec tous ses enfants descendre au tombeau s'il avait eu des enfants. Comme un bloc de pierre, il semblait complet en lui-même, isolé de tout. Ni sang ni sève ne couraient dans ses veines, mais il avait la soif de l'or, comme la terre béante après la malédiction d'une longue sécheresse aspire après la pluie. Et lorsqu'il voyait un autre marchand aussi riche que lui, il brûlait du désir de le dépouiller par la force ou la ruse. Le voilà descendu sur le rivage sablonneux de la mer une fois de plus. Il foule le sol natal. Il reconnaît tous les rochers de l'aride plage. Il reconnaît la rivière qui serpente au loin. Il revoit des scènes qui lui sont familières. Il entend parler une langue qu'il est également pour lui. Il s'arrête. Peut-être que les années ont un instant laissé son cerveau libre, comme le reflux de la mer découvre la grève, et qu'il va se retrouver jeune un instant. Peut-être, par une émotion étrange et toute nouvelle pour lui, l'amour de la patrie va-t-il rafraîchir son cœur comme une rosée? Hélas, non. Il ne pense qu'une chose, au moyen de se coucher cette nuit sans qu'il lui en coûte rien. Il gravit donc le chemin tortueux de la petite ville. Là, il entend parler du renom d'un prince marchand qui habite le voisinage et dont la libéralité égale le luxe royal. On lit ces mots inscrits sur la porte, toujours ouverte de sa demeure hospitalière. « Ici, tout le monde est bienvenu, riche ou pauvre. » Notre avare se hâte de tourner ses pas de ce côté. Bientôt, il aperçoit dans un agréable lieu, entouré de masses de feuillage où murmure la brise, les reflets du marbre blanc au milieu de sombres arbres. En approchant plus près, il voit s'élever des murs d'une architecture splendide, percés de nombreuses croisées qui étincellent comme des yeux et ornés de statues qui, de la hauteur où elles sont placées, ressemblent à des anges faisant halte un instant dans leur vol vers le ciel. Il admire de longs rangs de colonnades, des lampes d'or sous des portiques, de vastes terrasses couronnant l'édifice et offrant de paisibles retraites au milieu des airs. Tel était le palais du prince marchand. À travers les vastes portes, on entendait retentir sans cesse les sons des instruments de musique. Ces accords qui portaient sur des ailes légères semblent planer autour de nous et murmurer des choses d'un monde lointain dans une langue divine et inconnue. Le marchand avare entra dans la salle, et voyant le maître assis à table, il lui cria « Ô noble et grand prince, tu vois à tes pieds un pauvre marchand ruiné qui implore de ta miséricorde un peu de nourriture pour ne pas mourir de faim sur la grande route. C'est à ta gracieuse charité qu'il a recours, et il s'agenouille devant toi. » L'hôte se leva, prit le marchand par la main avec un sourire de bonté, lui parla avec chaleur d'âme et lui donna à boire et à manger de ses mains. Mais l'avare regardait tout ce qui l'entourait d'un œil de convoitise, et bientôt la splendeur éclatante de cette maison, toute cette prodigalité de richesse, toutes ces merveilles du luxe, L'or étincelant partout, les pierres précieuses dans l'air scintillant comme des étoiles, éveillèrent en lui une pensée infernale de l'enfer, suspendirent sa respiration, précipitèrent le mouvement de son sang et souillèrent dans son oreille un diabolique conseil. « Quand toute la maison reposera, se dit-il, quand le sommeil aura scellé toutes les oreilles et tous les yeux, quand, fatigué par l'éclat et le bruit du festin, tous les sens seront assoupis, je me lèverai, je saisirai tout ce que je pourrai saisir, et je le placerai en sûreté dans la cour d'honneur jusqu'à l'aube. Puis, pour m'échapper sans éveiller les soupçons, je mettrai le feu à ce palais, je brûlerai le phénix dans son lit de parfum. Quand la fête fut finie, tout le monde se retira pour se livrer au repos, et le vieux marchand aux lèvres perfides dit à l'hôte « Mon doux seigneur, un esprit blessé vient d'être guéri par le baume de votre amour. Puisse celui qui règne dans les cieux augmenter encore vos richesses. Cette nuit même contribuera peut-être à remplir vos coffres-forts. Pourquoi me regarder d'un air incrédule ? Souvent le ciel accomplit son œuvre dans les ténèbres et durant le sommeil. Oui, j'en ai le pressentiment, ma langue vient de prophétiser. » L'autre lui répondit du ton le plus courtois. On conduisit les convives dans les chambres préparées pour les recevoir. La lumière et la gaieté s'évanouirent à la fois de la salle, et le sommeil appesantit toutes les paupières, hors celle du meurtrier. Le voyez-vous assis, les yeux fixés sur la large flamme de la lampe, qui vacille et secoue les ombres comme la main d'un spectre. Il pense au noir dessin qu'il a formé. Il écoute le silence qui l'entoure. Il entend, au dehors, souffler la bise, chanter le grillon et gémir le solitaire oiseau de la bruyère voisine. Enfin, il prend sa lampe et sort furtivement de sa chambre. La maison silencieuse semble sa complice. Les ombres s'agitent le long des escaliers et ses pas comme des démons couverts d'un linceul noir. Les colonnes de marbre, avec leur blancheur de spectre, semblent, du milieu des ténèbres, venir au-devant de la lumière. Un silence sinistre règne partout. Personnification de l'avarice ou visage astucieux, le criminel marchand entre dans la salle du banquet, maintenant froide et déserte. Il remplit un sac de vaisselle d'or, de bijoux et de pierreries. Il prend tout ce qu'il trouve à sa fantaisie et, joignant à son butin la caisse qui renferme ses propres diamants, il cache tout dans un coin de la cour d'honneur. Et maintenant, réveillez-vous, imprudent qui dormait, car autour de vous le meurtre rôde. Un démon s'est glissé dans la maison hospitalière, et pendant votre sommeil, il rampe autour des fondements de l'édifice. Il amasse les fagots et la paille, il y met le feu. Bientôt, les flammes, prenant de la force, feront éclater ses pierres. Elles les envelopperont d'un épais manteau de fumée, et leur clarté sinistre déchirera la nuit. Déjà, la terreur montre sa tête hideuse. Le crime, enfant, grandit et se fortifie. Adieu la joie, adieu les fêtes. Les flammes mordent et dévorent les poutres, s'élancent à travers les cloisées et se tordent comme des serpents. Les énormes colonnes sont embrasées, les conduits de plomb se fondent et coulent comme des ruisseaux. Le feu agile s'élance au sommet de l'édifice et trace dans le ciel des arabesques d'un rouge sanglant. Partout bondissant des flammes, partout éclatent des gerbes d'étincelles, la nuit s'est enfuie. Aux premières rumeurs de l'incendie, L'hôte, ses convives et tous ses serviteurs se précipitent pêle-mêle en tumulte hors de la maison et dans la vaste cour. Alors seulement, ils osent regarder derrière eux. Ils voient l'édifice hospitalier dévoré par des serpents de feu. Ils pleurent et se tordent les mains. Ils invoquent le ciel. Cependant, le marchand criminel, qu'au milieu même de l'incendie l'avarice dévore, cherche encore du butin dans les chambres désertées par les plus riches convives et que le feu n'a pas encore atteintes. Enfin, il songe à fuir et regarde dans la cour. Mais il est trop tard. La cour est pleine de monde, ce qui lui ôte l'espoir de parvenir en ce moment du moins jusqu'au trésor qu'il a caché. « Oh, je suis perdu » s'écrie-t-il, « je suis perdu !» La maison n'a pas de porte dérobée qu'il connaisse, et quand il essaie de franchir le seuil hospitalier, un feu vengeur se dresse devant lui et le tient, pour ainsi dire, en arrêt, comme un limier. C'est le feu maintenant qui est le maître du logis, et lui l'esclave. Il fuit, il court comme un insensé, il va et revient sur ses pas. Il implore du secours, mais il sait qu'il ne peut lui en venir. Il grince des dents comme une bête féroce en cage. Les flammes impitoyables rugissent autour de lui et brûlent déjà ses vêtements. Il hurle à son tour. « Je ne puis plus fuir, le feu que j'ai allumé me tient emprisonné. » Les dalles sont brûlantes, l'air même s'embrase et siffle. Pour sauver sa vie, il monte au haut de la maison. Il court à une fenêtre de derrière et voit au loin le ciel rouge comme du sang. C'est la seule chance qui lui reste. Il s'élance par la croisée au milieu des arbres. Tout meurtri et à demi étourdi par sa chute, il se lève de nouveau, proférant d'étranges paroles et se maudissant lui-même. La tête lui tourne. Il bronche à chaque pas, mais cependant il poursuit sa course et finit par disparaître dans l'obscurité lointaine. Le bruit et les clameurs ont enfin réveillé tous les voisins qui aperçoivent la clarté sinistre et la fumée. Ils se lèvent, ils accourent, ils jettent de l'eau sur les flammes et bientôt l'incendie se laisse maîtriser. La lueur rougeâtre du ciel se dissipe et la nuit revient. Les fenêtres vides avec leur feu intérieur ressemblent encore à des yeux luisants dans les ténèbres. Ces yeux scintillent longtemps et finissent par se fermer. Alors, avec des cris de joie, les fugitifs rentrent dans la maison, dont la plus grande partie est restée intacte, et tous se réjouissent en leur cœur que les ravages ne soient pas plus grands. Le maître de ce brillant palais regarde autour de lui et voit que tous ses convives, tous ses serviteurs sont sains et saufs. Personne n'a perdu un cheveu. Il ne manque que le vieux marchand. Lui seul ne répond pas à l'appel. On ne trouve nulle part ses traces, quoi qu'on cherche dans toutes les salles vides et sous les ruines fumantes amoncelées contre les murs. On aurait fini par croire qu'il ne s'était pas réveillé à temps pour fuir, lorsque, sous un monceau de bois calciné, la lanterne est découverte. C'est par là que le fou a commencé. Alors ils se disent entre eux, « C'est donc cet homme qui a allumé l'incendie où nous avons failli périr tous. » Et dans le même instant, d'autres personnes trouvent dans la cour le butin que le misérable avait amassé. Mais, oh, surprise étrange, ce butin est prodigieusement augmenté par un petit coffret où sont enfermés les plus beaux diamants de l'Orient, diamants plus précieux qu'une couronne. Une proclamation fut faite dans tout le pays d'alentour pour savoir si personne ne réclamait ces riches pierreries. Mais personne ne les réclama. Leur véritable possesseur se gardait bien de reparaître pour faire valoir ses titres. Ils finirent donc par appartenir bien légitimement à celui que leur premier propriétaire avait payé d'une si noire ingratitude. Et leur valeur était préférable mille fois aux dommages causés par l'incendie. Ce fut ainsi qu'une joie nouvelle sortit d'une calamité imprévue, et l'avare marchand, qui croyait mentir, avait été prophète malgré lui. Chapitre 6. L'histoire du grand-père. Lorsque j'occupais pour la première fois une place de commis dans notre banque, le pays jouissait de bien moins de sécurité qu'aujourd'hui. Non seulement les routes attendant la réforme de Macadam étaient fatales en beaucoup d'endroits, aux roues et aux essieux, mais ce qui était plus alarmant encore, il fallait s'y prémunir contre les insultes et les vols auxquels étaient exposés les voyageurs. Les incidents de la guerre où nous venions d'entrer agitaient tous les esprits. Le commerce était interrompu, le crédit anéanti, et la détresse commençait à se manifester dans des classes entières de la population qui avait jusqu'ici vécu dans l'abondance. La loi, malgré son application draconienne, semblait n'avoir pas d'épouvante pour les malfaiteurs, et il est certain que la cruauté sans discernement du livre des statuts allait contre son but en punissant tous les crimes des mêmes peines. Du reste, un temps de pénurie financière n'est pas une mauvaise saison pour une banque. La nôtre florissait au milieu de la grande gêne du pays, et les énormes bénéfices réalisés à cette époque par les banquiers, bénéfices qui leur permirent d'acheter de vastes propriétés et d'éclipser la vieille aristocratie territoriale, rendaient la profession aussi impopulaire parmi les hautes classes qu'elle l'était depuis longtemps parmi les masses si réfléchies. Un banquier leur semblait une sorte de faussaire patenté qui créait d'énormes sommes d'argent en signant des chiffons de papier. Et le vol d'une banque, j'en suis persuadé, aurait été considéré par beaucoup de gens comme une action tout aussi méritoire que la dispersion d'une bande de faux-monnayeurs. Tels n'étaient pas bien entendu les sentiments des commis de la banque. Nous sentions au contraire que nous appartenions à une corporation puissante, du bon vouloir de laquelle dépendait la prospérité de la moitié des maisons du commerce du pays. Nous nous regardions comme un véritable gouvernement exécutif et nous remplissions les devoirs de notre charge avec toute la dignité et tout l'orgueil que peuvent déployer des secrétaires d'État. Nous nous promenions même dans les rues d'un air de matamore, comme si nos poches étaient remplies d'or. Si deux d'entre nous louaient un cabriolet pour faire une excursion à la campagne, nous affections de regarder à chaque instant sous la banquette, comme pour voir si nos trésors étaient en sûreté. Puis nous examinions avec attention nos pistolets pour montrer que nous étions résolus à les défendre jusqu'à la mort. Souvent, ces précautions étaient réellement requises, car lorsqu'il y avait disette de numéraire chez nos clients, on expédiait deux des plus courageux commis avec les fonds nécessaires dans des sacoches de cuir déposées sous le siège du cabriolet. En raison de la vigueur physique dont j'étais doué, ou peut-être dans l'idée qu'étant peu fanfaron de mon naturel, je possédais réellement la dose de hardiesse demandée, j'étais souvent choisi pour l'un des gardes de ces précieuses cargaisons. Pour preuve de leur impartialité, sans doute, outre le plus silencieux et le plus bavard de leurs employés, les directeurs m'adjoignaient l'ordinaire pour ce service le plus grand râbleur, le plus grand rodomont, le plus grand crâne et le meilleur cœur que j'ai jamais connu. Vous avez la plupart entendu parler du fameux orateur et meneur d'élection Tom Riddle, qui se présentait à toutes les vacances pour le comté et le bourg et passait sa vie entière entre deux élections à solliciter des suffrages pour lui ou pour ses amis. Eh bien, Tom Riddle était précisément mon collègue à l'époque dont je vous parle. Jeune comme moi et le compagnon habituel de mes excursions lorsqu'il s'agissait de convoyer des trésors. « Que feriez-vous, disais-je à Tom, si nous étions attaqués ?»« S'il faut vous le dire, répondait Tom, dont c'était là le préambule favori et la formule, s'il faut vous le dire, je leur enverrai une balle dans la tête. »« Vous pensez donc qu'il y en aurait plus d'un ?»« S'il faut vous le dire, je le crois, disait Tom, mais s'il n'y en avait qu'un, je sauterais à bas du cabriolet » Elle lui donnerait une bonne volée. Ne serait-ce pas le juste châtiment de son impertinence? Et si une demi-douzaine s'en mêlait? Je les tuerais tous. Jamais les sacoches d'or, on le voit, n'avaient été sous la garde d'un plus déterminé champion que Tom Riddle, jeune alors comme moi. Par une froide soirée de décembre, on nous fit soudain mettre en route avec 3 sacoches d'or que nous devions délivrer à des clients de la banque à 10 ou 12 000 de la ville. L'air éclairci par la gelée nous portait à la belle humeur. Notre courage était excité par la rapidité du mouvement, la dignité de notre charge, l'importance de notre responsabilité et une paire de pistolets d'arçon couchés en travers du tablier. S'il faut vous le dire, me dit Tom en prenant un des pistolets dont il arma la double détente, comme je m'en aperçus plus tard, je ne serais pas fâché de rencontrer quelques voleurs, certain que je suis de les arranger, comme j'ai arrangé ces 3 soldats licenciés. Comment cela ? Ah, il vaut autant, dit Tom, affectant de prendre un air soucieux, de ne pas parler de ces malheureux accidents. Le sang versé est toujours une terrible chose pour la conscience. C'est un vilain spectacle que celui d'une cervelle qu'on a fait sauter. Mais, s'il faut vous le dire, je suis prêt à recommencer. C'est une chance que courent tous les gens qui risquent leur vie, mon garçon. En parlant ainsi, Tom arma de même l'autre pistolet et regardant d'un air d'audace des deux côtés de la route, il semblait porter aux bandits qui pouvaient y être cachés le défi de se montrer et de venir recevoir la récompense de leur forfait. Quant à l'histoire des 3 soldats et aux sanglantes allusions à un acte de justice sommaire accompli sur l'un d'eux ou sur tous les 3, c'était d'une prodigieuse rodomontade. Tom avait le cœur si tendre que le meurtre d'un petit chat l'aurait rendu malheureux toute une semaine. Cependant, à l'entendre, vous l'auriez pris pour un Richard III civil, sans amour, pitié ni peur. Ses favoris n'étaient pas moins féroces que ses paroles et lui donnaient l'air d'un homme ne voulant entendre que bataille, meurtre et ruine. Il continua donc de jouer avec son pistolet et de se poser en implacable exécuteur des vengeances des lois, jusqu'à ce que nous eussions atteint la petite ville où résidait un de nos clients et où l'un de nous devait descendre pour porter une des sacoches à sa destination. Tom entreprit cette tâche. Le village où devaient être délivrées les autres sacoches n'étant situé qu'à 1 mille plus loin, il fut convenu qu'il me rejoindrait à travers champs après s'être débarrassé de l'argent. Avant de me quitter, il visita soigneusement l'amorce de son pistolet, l'enfonça d'un air crâne dans la poche extérieure de son pardessus et s'éloigna d'un pas majestueux, tenant la sacoche à la main. Resté seul, je fis sentir le fouet au cheval et je trottai gaiement vers ma destination, ne songeant pas le moins du monde au voleur, malgré la conversation de Tom Riddle. Notre second client habitait à l'entrée du village. C'était un fermier dont les opérations agricoles exigeaient l'emploi de beaucoup de numéraires. Je m'arrêtai au coin de la petite rue étroite et sombre qui conduisait à sa maison, et mon absence ne pouvant se prolonger au-delà de quelques minutes, je quittai le cabriolet pour porter plus vite une des sacoches à son destinataire. Cette opération faite, je pris congé de lui, après avoir refusé stoïquement toutes ses invitations, tant il me tardait d'être dans mon cabriolet. Tout à coup, j'aperçus à la clarté des étoiles, car la nuit était venue, un homme monté sur le marchepied et fouillant sous le siège. Je m'élançai sur lui. L'homme, alarmé par mon approche, se retourna rapidement et, me présentant le canon d'un pistolet, il fit feu si près de mes yeux qu'un instant, je restais comme aveuglé. L'action fut si soudaine et ma surprise si grande que durant quelques minutes aussi, je fus tout hors de moi, sachant à peine si j'étais vivant ou mort. Quant au vieux cheval, il ne bronchait jamais lorsqu'il entendait la détonation d'une arme à feu. J'appuyai ma main sur la jambe de la roue, tâchant de recouvrer mon assiette ordinaire. La première chose dont je pus m'assurer, c'est que l'homme avait disparu. Je me hâtai alors de regarder sous le siège, et à mon grand soulagement, je vis que la troisième et dernière sacoche était bien en place. Mais il y avait une coupure qui semblait faite avec un couteau. Apparemment, le voleur s'était proposé d'emporter l'or sans l'accompagnement dangereux du sac qu'il pouvait mettre sur ses traces. « S'il faut vous le dire, » dit une voix tout près de moi au moment où j'achevais ma recherche, « j'aime pas les mauvaises plaisanteries. Décharger les pistolets pour faire peur aux gens, cela a-t-il le sens commun ? J'aurais jeté l'alarme dans tout le village. » Tom, lui répondis-je, voici le moment de montrer votre courage. Un homme a volé l'argent resté dans le cabriolet, ou du moins tenté de le faire, et il a fait feu sur moi, presque à bout portant. Tom devint visiblement pâle à cette nouvelle. N'y en avait-il qu'un ? Demanda-t-il. Un seul. Alors, ses complices sont près d'ici. Que faut-il faire ? Si je réveillais le fermier malin pour lui dire de venir à notre aide avec tout son monde. Non, gardez-vous-en bien, lui répondis-je. J'aimerais mieux affronter une douzaine de balles de pistolet que de faire connaître à la banque mon manque de prévoyance. Cela me ruinerait pour la vie. Comptons d'abord l'argent de la sacoche. Remettons-la tranquillement, si le compte est juste, à son destinataire, qui habite aussi près d'ici. Cherchons ensuite les traces du voleur. Ce n'était qu'une sacoche de 100 guinées. Nous ne les comptâmes pas néanmoins sans un tremblement nerveux. Il y manquait 3 guinées que nous pouvions heureusement suppléer de notre poche grâce à nos appointements trimestriels tout récemment touchés. Je laissai Tom un instant seul, je remis la sacoche à sa destination sans dire un mot du vol et rejoignis mon compagnon. Maintenant, il s'agit de savoir par où il s'en est allé, dit Tom, reprenant un peu de son ancien air et brandissant son pistolet comme le chef d'un cœur de bandit dans un mélodrame. Je lui avais dit que, dans ma première stupéfaction, je n'avais pas remarqué de quel côté le voleur battait en retraite. Tom était un braconnier expérimenté, quoique fils d'un ecclésiastique. Il eût pu donner un meilleur exemple. « J'ai entendu un lièvre bouger à 100 pas de distance, » me répondit-il en collant son oreille contre la terre gelée. « Fût-il à un quart de mille, j'entendrai votre voleur se mouvoir. » Je me couchai à terre comme lui. Nous fîmes longtemps silence, on entendait que notre respiration est celle de notre vieux cheval. Chut ! Dit enfin Tom. Il sort de son couvert. J'entends les pas d'un homme bien loin à gauche. Prenez votre pistolet et venez avec moi. » Je pris donc le pistolet dont je trouvais la pierre abaissée sur le bassinet. Le voleur avait tiré sur moi avec ma propre arme. Il n'était pas étonnant qu'il eût tiré si vite et si mal, car Tom avoua qu'il croyait se souvenir d'avoir oublié de désarmer le pistolet. « Oh, que cela ne vous inquiète pas, dit Tom, s'il faut vous le dire. Mon intention est de lui brûler d'abord la cervelle avec mon pistolet. Vous pouvez ensuite lui briser le crâne avec la crosse du vôtre. S'il faut vous le dire, il ne sert à rien d'épargner ces malfaiteurs. Je fais feu dès que je le vois. Attendez au moins que je vous dise si c'est le voleur ou non. Croyez-vous le reconnaître ? À la lueur de la morse, j'ai vu deux yeux hagards que je n'oublierai jamais. En avant donc, dit Tom, prenant, comme on dit, son courage à deux mains. Nous gagnerons les 300 livres sterling de récompense et nous aurons de plus la satisfaction de voir prendre le vaurien. Nous nous acheminâmes donc à pas de loup dans la direction indiquée par Tom. De temps en temps, il appliquait son oreille à terre et murmurait toujours « Nous le tenons, nous le tenons !» Il continuait d'avancer avec les mêmes précautions. Tout à coup, Tom s'arrêta et dit « Ah, il nous a donné le change. Après nous avoir attiré tout ce temps sur la mauvaise piste, il a rebroussé chemin vers le village. » « Alors, notre plan, lui dis-je, doit être de l'y devancer. De cette manière, il ne saurait échapper, et je suis certain de constater son identité si je le vois à la lueur d'une chandelle. Oh, « S'il faut vous le dire, c'est là le bon plan, répliqua mon compagnon. Nous le guetterons à l'entrée du village, et nous le happerons dès qu'il y rentrera. » Nous nous glissâmes donc par une ouverture de la haie et nous regagnâmes la route directe du village. Il était maintenant très tard et il faisait un froid si intense que tout le monde restait renfermé chez soi. On entendait d'autres sons dans le village que celui de l'horloge de l'église, dont le carillon, sonnant les quarts d'heure du haut des airs, produisait sur nos esprits et nos sens surexcités l'effet de salves d'artillerie. Tout près de l'église, qui semblait garder l'entrée du village, avec ses vieux contreforts et sa vieille tour, se trouvait un cottage en ruine, avançant assez loin dans la rue, pour ne laisser entre l'église et cette misérable hutte qu'un espace de 8 à 9 pieds. Une idée nous frappa au même instant, c'est que si nous pouvions nous y loger, il serait impossible à l'homme en question de se glisser dans le village sans être aperçu par nous. Après avoir écouté un moment aux fenêtres et aux portes du cottage, nous conclûmes qu'il était inhabité. Poussant alors doucement la porte, nous montâmes un étroit escalier de pierre et nous nous dirigions à tâtons vers une croisée percée dans un pignon que nous avions remarqué de la route et qui devait commander l'approche du village, quand nous entendîmes une voix murmurer ces mots « Est-ce vous, William ?» au moment même où nous entrions dans le galetas. Après nous être arrêtés une minute ou deux, retenant notre haleine, et désappointant l'attente de la personne qui parlait, nous nous plaçâmes à notre poste d'observation. Plusieurs quarts d'heure, carillonnés par l'horloge, s'étaient évanouis dans les mélodies éternelles au sommet de la tour, et je commençais à désespérer de voir apparaître l'objet de nos recherches, quand Tom m'allongea en silence un coup de coude. « S'il faut vous le dire, murmura-t-il tout bas, j'entends des pas autour du coin. Regardez, il y a derrière la haie un homme qui a la tête levée vers la fenêtre voisine. Le voilà qui bouge. Suivons-le. Non, ne bougez pas, attendons. Il traverse la rue Il vient dans cette maison même. Je vis en effet une figure d'homme se glisser silencieusement à travers la route et disparaître sous le porche du vieux cottage. Notre embarras était grand. Nous n'avions pas de lumière et nous ne connaissions aucunement les dispositions des lieux. Un autre quart d'heure, carillonné par l'horloge, nous avertit que la nuit s'écoulait rapidement. Nous avions presque résolu de retourner sur nos pas, si faire se pouvait, et de regagner l'endroit où nous avions laissé notre infortuné cheval, quand je sentis de nouveau dans les côtes les coudes de mon ami Tom. « S'il faut vous le dire, murmura-t-il, il se passe quelque chose ici. » Et il me montra une faible lueur réfléchie sur les charpentes intérieures du toit, au-dessus de nos têtes. Cette lueur sortait de la chambre voisine, le mur de séparation n'ayant pas été élevé plus haut que les solives transversales, en sorte que la toiture était commune aux deux chambres. Le mur même n'avait guère que 7 ou 8 pieds de haut. Nous pouvions donc entendre tout ce qu'on disait, mais on ne disait rien, et notre oreille épiait en vain le moindre son. Cependant, la lumière continuait de brûler. On la voyait vaciller au-dessus du mur et se jouer dans le sombre chaume. « S'il faut vous le dire, dit Tom, il nous serait aisé de voir dans la chambre voisine en grimpant sur ces vieilles solives. Tenez mon pistolet, tandis que j'y sois monté. Et s'il faut vous le dire, il me sera aisé de le tuer de là. » « Au nom du ciel, Tom, lui dis-je, prenez garde à ce que vous faites. Laissez-moi voir d'abord si c'est bien le voleur. »« Alors, grimpez aussi, dit Tom, qui déjà à cheval sur une des solives me tendit la main pour m'aider à monter. » Nous étions tous deux de niveau avec le mur de séparation, et en allongeant un peu la tête, nous pouvions voir tout ce qui se passait dans la chambre voisine. C'était une bien misérable chambre. Il y avait une petite table ronde, une couple de vieilles chaises, mais la plus profonde misère était le trait caractéristique de ce galetas, désolé sans feu malgré le vigoureux hiver. Une femme, bravant apparemment le froid, était assise près de la table et lisait un livre. La petite lampe qui avait été allumée sans bruit projetait à peine sa lueur sur le visage de la lectrice et sur son livre. Ses traits étaient pâles et défaits, mais elle était encore jeune et belle, ou du moins le mystère et l'étrangeté de cet incident répandaient un si grand intérêt sur sa personne que je la trouvais telle. Ses vêtements étaient pauvres et le châle étroitement serré sur ses épaules manifestaient plutôt qu'ils ne cachaient leur exiguïté. Tout à coup, nous vîmes à l'autre extrémité de la chambre une figure sortir de l'obscurité. Tom serra son pistolet d'une main plus ferme et l'arma en prévenant le bruit avec son pouce. L'homme se tenait sur le seuil, comme s'il ne savait s'il devait entrer. Il regarda longtemps la femme qui continuait de lire, puis il s'approcha d'elle en silence. Elle entendit ses pas, leva la tête et le regarda en face sans dire un mot. Je n'avais vu de ma vie une figure si pâle et si émue. « Nous partirons demain, dit-il, j'ai quelque argent comme je l'espérais. » Et en disant ces mots, il déposa sur la table devant elle 3 guinées d'or. Cependant, elle continua de se taire, et elle épiait ses traits, la bouche à demi béante. « S'il faut vous le dire, dit Tom, à n'en pas douter, c'est notre argent. Est-ce bien là l'homme ? Je ne le sais pas encore, il faut que je voie ses yeux. » Cependant, la conversation continuait en dessous de nous. J'ai emprunté ces trois pièces à un ami, continua l'homme, comme pour répondre au regard fixé sur lui. Un ami, m'entendez-vous ? J'aurais pu en savoir davantage, mais je n'ai pas voulu en prendre que trois. Cela suffit pour nous conduire à Liverpool, et une fois là, nous sommes sûrs de trouver un passage pour l'Ouest. Une fois dans l'Ouest, le monde est devant nous. Je puis travailler, Marie, nous sommes jeunes. Un homme pauvre n'a pas de chance ici, mais nous pouvons passer en Amérique avec des espérances toutes fraîches. Et une bonne conscience aussi, dit la femme à voix basse, mais d'un ton interrogatif et aussi profondément tragique que celui de Lady Macbeth. L'homme restait silencieux. À la fin, pourtant, il sembla s'irriter de la fixité de son regard. « Mais pourquoi me regardez-vous ainsi ? » dit-il. « Je vous dis que nous partirons demain. »« Et l'argent ? » dit la femme. « Je le renverrai à celui à qui je l'ai emprunté sur mes premiers gains. Je n'ai pris que 3 guinées, de peur de le gêner en prenant davantage. » « Je veux voir cet ami moi-même, » dit Marie, avant de toucher à l'argent. « S'il faut vous le dire, » demanda de nouveau Tom, « c'est bien sûr là notre homme. »« Chut, lui dis-je, écoutons. » J'ai reconnu un de mes amis dans l'un des commis de la banque de Melfield. « C'est de lui que je tiens ces guinées, je vous en donne ma parole. » S'il faut vous le dire, qu'attendons-nous ? Il avoue tout, dit Tom, tombant sur lui à l'improviste. Je n'ai jamais vu un plus laid scélérat. Avec cette somme, continua l'homme, voyez tout ce que nous pouvons faire. Elle nous tirera de la détresse où nous sommes tombés, Marie. Vous savez qu'en cela je dis la vérité, sans qu'il y ait de ma part d'autre faute qu'une excessive confiance dans un faux ami. Je ne puis vous voir mourir de faim. Je ne puis voir notre petit enfant né dans une position confortable réduit à coucher sur la paille au fond d'une grange comme cette maison. Non, je ne le puis, je ne le veux pas. Il poursuivit, se passionnant davantage à mesure qu'il parlait. À tout prix, je veux vous rendre une chance de confort et d'indépendance. « Et la paix d'esprit, répliqua Marie. Oh, William, je dois vous dire les horribles craintes qui ont rempli mon âme pendant votre absence durant cette terrible nuit. J'ai lu et prié. J'ai demandé des consolations au ciel. Oh, William, rendez l'argent à votre ami. Je ne dis rien de l'emprunt, mais rendez cet argent. » Je ne puis le regarder. Manquons de tout, mourons s'il le faut, mais rendez cet argent. » Tom Ruddle désormais tout doucement son pistolet et passa la manche de son pardessus sur ses yeux. « Ayons confiance en Dieu, William, » poursuivit la femme, « et la délivrance viendra. » « Le temps est très froid, » ajouta-t-elle. « Il n'y a plus d'espérance visible. Mais je ne puis désespérer de tout à cette époque de l'année. Cette grange, comme vous l'appelez, William, ce n'est pas un séjour plus humble que la crèche de Bethléem dont je viens de lire la touchante histoire. » En ce moment, les cloches de la vieille église sonnèrent à pleine volée. Nous étions si près de la tour que leurs vibrations ébranlaient les solives sur lesquelles nous nous tenions à cheval et remplissaient tout le cottage de leur rude harmonie. « Écoutez !» s'écria l'homme étonné. « Qu'est-ce que c'est que cela ?»« C'est le matin de Noël, » répondit la femme. Ah, William, William, dans quel esprit nous devrions accueillir ce jour? Dans quel esprit différent nous l'avons maintes et maintes fois accueilli dans nos temps plus heureux? L'homme prêta l'oreille aux cloches pendant une minute ou deux, puis il s'agenouilla et cacha sa tête sur les genoux de sa femme. Il se fit un profond silence, sauf la musique de Noël. « S'il faut vous le dire, dit Tom, je me rappelle qu'à cette heure, nous chantions toujours un hymne dans la maison de mon père. Allez, allons-nous-en. Je ne voudrais pas, pour 1000 guinées, troubler ces pauvres gens. » Nos préparatifs pour descendre firent un peu de bruit. L'homme regarda en l'air, tandis que la femme restait absorbée dans ses prières. Comme ma tête dépassait juste le niveau du mur, nos yeux se rencontrèrent. C'étaient bien les mêmes yeux qui étincelaient d'un éclat sauvage quand le coup de pistolet était parti du cabriolet. Nous continuâmes notre descente. L'homme se releva tranquillement de sa position agenouillée et mit son doigt sur sa bouche. En descendant les escaliers, nous le trouvâmes qui nous attendait sur le seuil de la porte. « Non, pas devant elle, dit-il. Je veux lui épargner ce triste spectacle, si je puis. Je suis coupable du vol, mais je ne voulais pas vous faire du mal, monsieur. Le pistolet est parti dès que je l'ai touché. Au nom du ciel, dites-le-lui avec déménagement quand vous m'aurez emmené. S'il faut vous le dire, dit Ambrodel, dont les dispositions belliqueuses s'étaient tout à fait évanouies, le pistolet était mon erreur et tout ceci est une erreur aussi. Venez me voir, mon ami, et moi à la banque après-demain, et s'il faut vous le dire. Le diable devant. Oh, il est si piquant qu'il me fait venir les larmes aux yeux. Oui, s'il faut vous le dire, nous nous arrangerons pour vous en prêter davantage. » Les cloches continuaient de sonner dans l'air. Il était près de minuit et notre retour au logis à travers les chemins durcis par la gelée fut la plus agréable promenade en voiture que nous eussions faite de notre vie. Chapitre 7 L'histoire de la femme de journée. Une personne n'est pas sans éprouver un certain embarras quand elle se voit appelée par les maîtres dans la salle à manger pour y porter de joyeux toasts de Noël. Et Dieu sait si je souhaite à toutes les personnes présentes autant de bonnes fêtes qu'elles peuvent s'en souhaiter à elles-mêmes. Mais aussi on me demande mon histoire du revenant. Vraiment, c'est pas aussi aisé qu'on le croirait de se rappeler tout de suite comme cela les circonstances d'une apparition qu'on a vue et vue de ses propres yeux. Heureusement, j'ai pas précisément vu moi-même la chose, car ce fut Thomas qui la vit et qui l'entendit. Cependant, puisque l'histoire du revenant semble être arrivée aux oreilles des jeunes ladies par la bonne et qu'elles veulent en savoir les détails exacts, je vais vous la dire. J'étais cuisinière chez l'Alderman Playford quand il mourut subitement. Et nous eûmes un bien beau deuil, nous autres les domestiques. Je dis nous, quoique je ne sois plus aujourd'hui qu'une femme de journée, gagnant paisiblement ma pauvre vie. L'Alderman tenait deux maisons, sa maison de ville à Leicester pour son commerce et sa maison de campagne à Brownham à 5 ou 6 miles de distance. J'étais à Brownham et je préférais y être parce que les jeunes ladies le préféraient elles aussi. C'était de vraies ladies sur mon âme. Tout était confortable à Brownham. Je puis même dire que, dans le grand style, il y avait des jardins, des étangs pleins de poissons, une brasserie, une laiterie, sans parler des écuries et de tout ce qui suit. Dans les dernières années, l'Alderman passait aussi la plus grande partie de son temps à Brownham. Thomas, le cocher, le conduisait et le ramenait quand il était obligé d'aller à Dulcester, où il couchait quelquefois, s'il y avait une affaire importante en train dans la chambre des Aldermen ou une prochaine élection dans le district. Car l'Alderman, vous le savez, était fameux pour les élections. Mais Thomas revenait toujours à la maison et son maître, lors même qu'il restait à Dulcester, le renvoyait à Brownham pour nous protéger, nous autres femmes, et faire son service. Maintenant, il faut vous dire que l'Alderman avait eu une attaque de paralysie peu d'années auparavant, et que depuis lors, malgré son rétablissement, il avait conservé une manière de marcher très curieuse, car un de ses souliers faisait entendre un craquement singulier, ne ressemblant à aucun autre bruit. Lorsqu'il descendait les saliers de gravier devant la façade ou qu'il allait d'un endroit à l'autre dans la maison, son soulier craquait, craquait, si bien que sans voir l'Alderman, on savait toujours où il était. Il ne marchait ni lourdement, ni vite, et longtemps avant qu'il fût en vue, nous étions avertis qu'il arrivait par le craquement de son soulier, même avant d'entendre le bruit de ses pas. Oh, j'ai bien entendu des souliers craquer en ma vie, mais jamais comme celui-là. Nous étions très bons amis, Thomas et moi. J'ai cru longtemps qu'il avait des intentions plus sérieuses, et je ne peux penser, même aujourd'hui, que ce fût uniquement de l'amour à l'office, comme on dit, mais il y avait quelque chose de cela. Qui peut dire ce qui fût arrivé s'il n'avait pas épousé la veuve Rogers, que tout le monde croyait si bien pourvue après la mort de son défunt, et qui pourtant n'avait rien. Pauvre Thomas! Le lendemain de ses noces fut un triste jour pour lui, mais il n'y avait plus rien à revenir là-dessus. Nous n'en restons pas moins bons amis à Brownham, comme il convient aux personnes attachées au même service. J'étais maîtresse absolue dans ma cuisine et il n'en faisait pas plus mauvaise chère. Un soir, il était revenu de conduire l'Alderman à Dulcester et il devait aller le chercher le lendemain dans l'après-midi. La nuit était humide et pluvieuse, il faisait grand vent. Assis dans la cuisine, nous entendions battre la pluie contre les volets et l'eau ruisseler des gouttières. Le vent s'époumonait comme un homme en colère et tourbillonnait autour de la maison comme s'il cherchait un endroit pour y pénétrer. Thomas avait ôté ses grandes guêtres et ses autres effets mouillés pour mettre ses habits de service. Rassemblés tous autour du feu, nous bavardions un peu plus tard qu'à l'ordinaire. Les jeunes ladies étaient déjà montées se coucher et les autres servantes finirent par gagner leur lit, nous laissant un moment à nous-mêmes, Thomas et moi. Alors, nous recommençâmes à causer de la famille et des voisins. Je pensais que Thomas profiterait de l'occasion pour me faire ses confidences, mais il fut comme tous les jours. Quand l'horloge de la cuisine marqua minuit moins un quart, je pris ma chandelle et je lui dis « Bonsoir, Thomas, je vais me coucher. »« Bonne nuit, » dit-il, cuisinière. Après avoir débarrassé la table dans la salle à manger, je gagnerai aussi mon lit car je suis très fatigué. J'étais pas monté depuis plus d'un quart d'heure et je n'avais pas fini de me déshabiller. Lorsque j'entendis tapoter à ma porte. « Qui est là ?» demandai-je un peu effrayé. « C'est moi, cuisinière, » répondit Thomas. « J'ai besoin de vous parler. » Je ne pouvais m'imaginer ce qu'il me voulait, car il avait eu tout le temps de me dire les choses les plus particulières. J'avais d'ailleurs un peu raison de croire qu'il avait vu la veuve Rogers cet après-midi-là. Je me rhabillai donc et je sortis dans le corridor où s'étonnait Thomas, d'un air plus grave que je ne lui avais jamais vu, même à l'église. « Descendez, cuisinière, murmura-t-il. J'ai quelque chose à vous dire. » Tout cela d'un air si solennel que je ne pouvais vraiment deviner ce dont il était question. Nous voilà donc descendus dans la cuisine. Je ranimai le feu, je m'assis tout après. Thomas prit une chaise et se plaça de l'autre côté. Il avait l'air d'être un enterrement. « Cuisinière, dit-il, je suis certain que vous apprendrez bientôt du nouveau. »« Bon Dieu, Thomas, lui répondis-je, qu'apprendrai-je donc ?»« Eh bien, dit-il, vous apprendrez que l'Alderman est mort. »« Mort ? M'écriai-je. Voilà qui est bien étrange. »« Pas à moitié si étrange que ce que je viens d'entendre, cuisinière, » ajouta Thomas d'une voix sépulcrale. « Je viens d'entendre le spectre de l'Alderman, et je suis certain que nous ne le reverrons plus en vie. » En entrant dans la salle à manger pour débarrasser le souper des jeunes ladies, j'ai trouvé un grand verre de punch au milieu du plateau. Vous savez ce que c'est, la manière dont elles s'y prennent souvent quand je reviens trempé après avoir conduit l'Alderman. Pour de véritables ladies comme elle, il eût été trop familier de dire « Thomas, voilà un verre de punch pour vous. » J'allais donc boire le verre à punch à la santé de l'Alderman, poursuivit Thomas, lorsque j'entends la porte du vestibule s'ouvrir et crac, crac, crac le son des pas de l'Alderman qui le traverse. D'abord, je ne trouvais rien de bien extraordinaire à son retour à Brownham, malgré leur avancée de la nuit. Je déposai donc mon verre de punch et, prenant une chandelle, je sortis de la salle à manger pour éclairer. Je ne vis rien du tout. Mais les pas de mon maître me devançaient, crac, crac, crac, et montaient l'escalier. Je l'ai suivi jusqu'au premier palier, mais là encore, je n'aperçus pas d'Alderman, rien, absolument rien. « Bon Dieu, monsieur, m'écriai-je alors, où êtes-vous ? » Ne faites pas cela pour me faire peur. Je m'arrêtais et j'écoutais. Aucune réponse, aucun son que le crac, crac, crac. Les pas montèrent jusqu'à la porte de la chambre à coucher de l'Alderman. Je l'entendis s'ouvrir et se fermer, puis je n'entendis plus rien. Mais, cuisinière, toutes les portes extérieures sont fermées et barrées pour la nuit. Comment donc l'Alderman aurait-il pu entrer dans la maison ? Aussi sûr que vous êtes en vie, c'est son spectre que j'ai entendu. Je le crus aussi dans le moment, et maintenant j'en suis certaine. Nous passâmes toute la nuit assis au coin du feu pour être prêts quand la nouvelle viendrait de Douchester. Le lendemain, de grand matin, il arriva un express. Thomas le fit entrer, et avant qu'il nous eût expliqué ce qui l'amenait à Brownham, Thomas lui dit « L'Alderman Playford est mort. » Le messager fut fort étonné, comme vous le pensez bien. « Miséricorde ! » s'écria-t-il, « comment donc le savez-vous ? » « Il est mort la nuit dernière, repartit Thomas, au moment où l'horloge sonnait minuit. J'ai entendu ses pas dans le vestibule et sur l'escalier. Le pas de l'Alderman ne ressemble à aucun autre, et j'ai su par là qu'il devait être mort. Je nous souhaite à tous, en attendant l'autre monde, une vie longue et heureuse en celle-ci.